One love cousin, ici le mec slow du centre esclan. 9-8, des purs lyrics et puis des nouveaux plans. Je penche pour une France franche, mais y'a blême. Les flics et les fachos ont envahi le système. Si ce thème trouvait un terme, ni la rancœur au cœur des tours. Fruit d'une mauvaise germe, mes frères démarrent au quart de tour. Car l'homme est un loup pour l'homme, j'esquive un maximum. On serre la ceinture, ça sert au-delà de la censure. Les cultures de nos villes, nos textes, les peintures. Ordi mon repère, microphone solitaire. À l'épreuve du temps, Manu K, MC légendaire. Contact pour 9-4, nouvel album dans les bacs. C'était écrit et dit, inscrit, que mon retour prendra une place dans vos vies. La rime urbaine parlait de choses réelles. Seul un public undercover a su reconnaître notre potentiel. Maintenant je brûle la piste en soloiste, en attendant le retour de mes complices. Lil Jason, Mr. F. Hello. Mais pour l'instant j'écrase au mic S.O.L.O. Microphone phenomenal. Microphone phenomenal. Microphone phenomenal.